Frédéric Sigrist à 6h56, Blockbuster, tu es préposé. Ah, et si je file la métaphore de Maître Yoda, Frédéric, c'est parce que vous avez encore une furieuse envie de nous parler d'Andor, la toute nouvelle série se déroulant dans l'univers de Star Wars. Oui, Laetitia, alors je sais ce que vous vous dites. Encore une série Star Wars, il en a pas marre, Sigrist. Je comprends, c'est légitime. Moi-même, j'y suis allé comme un parent qui va à la kermesse de fin d'année de ses gosses. Tu le fais par amour, mais tu sais qu'il y a des chances que tu t'ennuies comme un rat mort. Une série Star Wars, c'est un peu comme le 49-3 à l'Assemblée. La première fois, c'est un événement. Au bout de la 12e, t'es un chouïa blasé. Mais oh, surprise, Yoda soit loué! Andor est, à mon sens, ce qui a été fait de mieux dans l'univers Star Wars depuis des décennies et peut-être bien depuis sa création. En fait, c'est simple, Laetitia. Andor, c'est la série idéale pour ceux qui adorent Star Wars, mais c'est aussi la série idéale pour ceux qui détestent Star Wars. Alors je veux bien vous accorder le bénéfice du doute, mais de quoi ça parle? Eh bien déjà, ça ne parle pas de chevaliers Jedi, pas de Skywalker ou de sabre laser. La série n'est pas là pour vendre des jouets ou spéculer sur la nostalgie de personnages qui font fantasmer les geeks comme moi depuis 40 ans. Non, rien de tout ça. Andor revient à l'essence même de ce qu'est Star Wars, c'est-à-dire la résistance à un régime fasciste. Donc pour vous, Andor est une série politique? Ah mais ça l'a toujours été. Mais l'arbre des sabres laser a souvent caché la forêt politique qu'est Star Wars. L'Empire a toujours été, pour George Lucas, le créateur de Star Wars, une métaphore des nazis. Mais on était tellement fascinés par ce conte de fées de l'espace qu'est la saga Skywalker, avec ses chevaliers Jedi, Dark Vador, ce méchant emblématique, et ses gentils droïdes, qu'on a oublié que Star Wars est la franchise la plus violente et meurtrière de l'histoire du cinéma. Parce que je vous rappelle quand même que l'Empire de Dark Vador détruit des planètes. Des civilisations entières ont été colonisées, asservies, déportées. Je vous invite à compter le nombre de Stormtroopers, les soldats de l'Empire tués par Finn dans la saga. C'est abyssal. Même les généraux de l'Empire, ils seraient mieux traités en Corée du Nord que ce qu'ils vivent avec Dark Vador. Simplement, le grand public n'a jamais pris ça au sérieux parce qu'à la fin, le spectacle prime est à des Ewoks qui font du djembé. La série Andor, du nom du personnage principal apparu dans le film Rogue One, un petit délinquant qui deviendra révolutionnaire, prend enfin le temps de donner un nom, une vie, un visage à ces hommes et femmes qui vivent sous une dictature. Ça se passe dans l'univers de Star Wars, mais ça pourrait aussi bien se passer n'importe où et peut-être même ici et maintenant. Car Andor prend aussi le temps de montrer que tout système, aussi oppressif soit-il, n'est pas composé par des monstres, mais par des humains. Des humains avec des casseroles familiales comme tout le monde, un manque de reconnaissance professionnelle comme tout le monde, et parmi l'Empire, il y a tout simplement des gens qui tentent de faire carrière en étant du mauvais côté de l'histoire. La dictature et la résistance, c'est pas que des policiers en uniforme et des ponts qu'on fait exploser, c'est aussi une bureaucratie, de la politique, des discriminations systémiques, des ghettos et du contrôle aux faciès. Franchement, après Andor, vous ne verrez plus jamais Dark Vador étrangler ses hommes demain de la même manière. Bref, vous avez aimé, Frédéric. Franchement, demandez-moi quelle série entre House of Dragons et Andor a eu les plus beaux dialogues ces dernières semaines, je ne pourrais pas choisir. Dans cette série, une simple conversation entre deux bureaucrates peut vous prendre beaucoup plus aux tripes qu'un combat de sabre laser. Je suis impressionné par la qualité d'écriture, par le jeu des acteurs, par la minutie avec laquelle Tony Gilroy, le showrunner à qui l'on doit aussi les trois premiers Jason Bourne, a su présenter les différentes strates d'un régime autoritaire. Andor est la preuve qu'il n'y a pas des univers qui seraient faits pour des geeks bas du front et d'autres pour des spectateurs exigeants. Il s'agit juste de traiter un sujet avec sérieux. Cette série a enfin donné une âme à celles et ceux qui n'étaient jusqu'alors que des figurants dans Star Wars. Un cliché autour de cette saga dit que les Stormtroopers ne savent pas viser. Eh bien, depuis Andor et ce que j'ai appris d'eux, je me demande s'ils le font pas exprès. Andor, c'est à voir sur Disney+. Et pour ce blockbuster, je vous remercie Frédéric Sigrist. Un mot sur un podcast à venir? Eh bien, le prochain, c'est justement le compositeur de la musique de Star Wars, John Williams, qui arrive la semaine prochaine.